vous présente le colossal clan qui fait péter le baromètre. À le baromètre, parce qu'enfin elle élève bien mettre une baromètre. On a l'arme d'Amoclès, c'est pas l'épée mais le mic. Certains nous reconnaissent, c'est Martin et Mac. Échec et Mac, nous on voit grand comme l'Amérique. Et que le bar faudrait au moins qu'on soit financé par la mairie, par la mérime. Tu comprendras que nos vies sont bien trop banales. Dans la street sous paraffine, y'a des gorilles qui filment des bananes. J'rappe pour les baraques, les fils de fer et les middle. Pour ceux qui achètent dans la marque ou qui font leur course à Lidl. Pour les coupes de Beatles, les rasés, les dégradés. Ceux qui suivent leur voix, mais pour qu'ils craignent à dérailler. Ouais, j'rappe pour les repentis comme Stanley, Tucky Williams. J'rappe mes ressentis, du coup j'fous le cancer comme Lucky Strike. J'rappe à l'arrache et j'rappe t'as la machette. T'as mal à la trache et la skate, faut que tu l'achètes. Mac MC, rappeur de plus dans le milieu. Certains rappent depuis 3 jours, ils croient peser des millions. Mais bon, la merde, c'est que les wacks débarquent par milliers. Ne joue plus les gangsters, mais tente de faire les millions. Un fashion attitude, c'est mélangé au gangsterisme. Si ça se passe comme ça de rap, je fais mes valises. Et puis me bat, même Bruel est plus viril. Et oui, je suis cruel, mais le style dépend de certaines villes. Je suis un mafieux sauté la Comora. Dans le plat des wacks, j'ai glissé de la morora. Ma propagande est lancée, j'ai éliminé tous les faux. Faut tous les liquides, c'est à cause de chlore à bas flou. Jusqu'au mi-combat, fumérite, tout déborde dans leur gueule. Quand j'entends leur salade, obligez-moi, je dégueule. Qu'ils soient black, blanc ou beurre, je n'écoute pas leurs conneries. Certains MC makers sont-ils conscients que c'est pourri. L'ambiance est hard dans ma street, y'a le bon son du colossal. Et les vrais savent qu'à l'écoute massique que les bolos taille. C'est violent comme à Bagdad, aussi dangereux que Bogota. J'ai du C4 dans mes bagages, j'ai la rage des Hidomotas. Contre l'état c'est fatal, la clique se révolte. On sort les pare-balles et la rime on récolte. Et les balles rigolent contre Rachid Adazi. On la suit, on l'espionne comme Rachid Adazi. Bizarre qu'on présente sa femme, la plus grande douille de Paris. La rumeur dit qu'elle a su, c'est plus de zorbes que Paris. À Westminster tout le monde l'acclame, quelle jolie référence. Notre première dame fume de la cam, je dis c'est pas une référence. Pendant qu'on crache des molars, renégocie le pétro de l'art. Ici l'Elias de cache se cache aussi bien que Mola Omar. Ici c'est street grave, ça kick grave, quand on pique grave, j'ai un beat grave. Les bibis tac, ma clique taille, on présente pour nos bibis grave.